Mon nom est Alexis Cornelier, vous écoutez Les Amateurs de Mac, bonsoir. DJ Spin That Wheel, je veux danser. Alors, bonjour et bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir, votre show de questions-réponses hebdomadaires qu'on diffuse, exceptionnellement aujourd'hui, mercredi, mais qui normalement est à chaque jeudi à 22h. Et pourquoi, Jean-François, diffuse-t-on le show mercredi plutôt que jeudi? Parce que demain soir, on n'est pas là. On est au Star City. On va aller voir les Avengers. Ça va être écœurant. Donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un épisode spécial. Juste une petite seconde, je vais allumer le document, voilà, le document de cette semaine pour les amateurs. Les personnes oui. qui, dans la chatroom qui parlent du grichage puis de la chanson qui était forte, c'est parce que j'ai augmenté le son. Puis le grichage, si vous écoutez la chanson, il y a déjà du grichage. Faites exprès pour qu'il y ait du grichage dans la chanson Roller Derby. Donc c'est ça. Ouais. À griche de base. À griche de base. Ouais, c'est built-in le grichage. Oui, c'est ça. Exactement. C'est juste pour nous. Là. On est tellement bon au niveau du son là, dans le podcast de Mac-Québec. Donc, comme vous nous suivez depuis des années, vous savez que on... On a eu tous les problèmes possibles avec notre merveilleux. On griche pas de même. Non, c'est voilà. Ça. Donc, écoutez, si vous nous avez rejoints au show précédent, on a fait un hommage à Jonathan Laberge, un auditeur qui nous offre aussi du matériel à faire tirer pendant le podcast, a versé un litre d'eau dans le MacBook Pro de sa blonde cette semaine. Fait que il a perdu le MacBook, mais il a peut-être perdu sa blonde aussi, on ne sait pas. On présume. On va vérifier, mais je pense qu'elle voulait un chien. Moi de sa blonde, verse pas un litre d'eau dans mon ordi. Ouais, elle voulait un chien, elle m'a dit ça, là. Elle a dit, je pense que je vais y acheter, je vais pas que j'achète un chien. Donc, ouais, je pense que j'aurais pas le choix. Ouais. Bref, on a fait pendant le podcast Mac Québec, qui est le show qu'on présente à chaque deux semaines, juste avant les amateurs de Mac, bonsoir. Je sais qu'il y a du monde qui peut nous rejoindre seulement pour les amateurs, mais on veut faire du cross-platform, transmédia, tout le kit, là. En fait, juste faire de la pub pour l'autre show qu'on fait. Juste avant, vous pouvez nous rejoindre au podcast Mac Québec. Mais on a fait 15 secondes de silence sous une belle chanson de Chopin pour son ordinateur parce que c'était vraiment triste. Oui, c'était triste. Alexis voilà. Pleurait toutes les larmes de son corps. Ah, presque. Presque. Non, j'étais assez gros des larmes, j'en ai un bon paquet. Ah, OK, voilà. Et on a aussi, pendant le podcast Mac Québec, fait le tirage pour le Smart Cover. Et c'est Yves Gauthier. Qui a gagné. Donc, on va le rejoindre le plus vite possible et lui envoyer son prix. Et pour ce mois-ci, en fait, puisqu'on est au mois de mai, on vient tout juste de le commencer, à partir de vendredi, Vincent, il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour Mac Québec. Y a-t-il quelque chose de nouveau? Je sais pas. En fait, un petit projet que ça fait deux semaines que je dors pas. Parce qu'on travaille 24 heures sur 24. L'équipe technique de Mac Québec vous offre un nouveau site web. Je vous offre dans le sens, on va remplacer par le site actuel par le nouveau. Nouveau design, nouvelle interface, des choses en plus. C'est plus facile, c'est plus rapide parce qu'on a eu beaucoup de misère avec accéder à l'information parce qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent en même temps, puis on a beaucoup de widgets qu'on utilisait. Certains qu'on n'utilisait plus, puis d'autres qu'on utilise actuellement pour page contact, ces choses-là, pour le concours. Mais on avait beaucoup de choses accumulées, donc on a fait du ménage là-dedans. Il reste encore un peu de ménage à faire, mais on est comme dans la finition, là. On est plus en arrière au niveau visuel, au niveau article. Donc ça va être très intéressant, vraiment. J'ai hâte de vous le présenter. Comme tu as dit, vendredi, 19h, on va fermer le site vers 3-4h l'après-midi pour fermer, puis le mettre en mode maintenance, puis travailler dessus. Excellent. Puis vous pourrez voir, c'est ça, le site à partir de 19h, là, quand on va lancer officiellement. Donc, à partir de 19h, on va aussi avoir le nouveau concours qui va être lancé. Donc, vous allez pouvoir aller participer. Et c'est pour gagner un Kensington Folio, qui est une housse pour les iPad 2 et nouvel iPad, dans lequel vous pouvez glisser votre iPad. Et à ça, il est attaché un clavier Bluetooth, donc qui se connecte à votre iPad, là, si vous voulez en faire une espèce de petit portable. Et c'est une gracieuseté, c'est M. Mario Gaucher, qui est un collaborateur de longue date dans le Forum Mac-Québec et dans Mac-Québec Entraide, qui offre cette housse-là, ce cadeau-là, qui quand même vaut une centaine de dollars, si je ne me trompe pas, aux auditeurs et aux lecteurs de Mac-Québec et du podcast Mac-Québec. Donc, malheureusement, en fait, tous ceux qui sont associés de près ou de loin, évidemment, à Mac-Québec ne pourront pas participer. C'est fait pour les auditeurs. Voilà. Parce que c'est pour vous remercier d'être avec nous et qu'on est bien contents et qu'un show comme celui d'aujourd'hui, par exemple, ne pourrait pas être fait si vous n'étiez pas là. Parce que ça paraît pas, là, mais parler Mac avec ces deux gars-là, là, toute la soirée, là, j'aime ça, là, mais pas une fois par semaine. Là, imagine-moi qu'ils les réécoutent toutes les semaines. Ah, ouais, mon Dieu, ça. Pauvre tout. C'est ça, les médicaments que tu prends? C'est pour ça que tu dors plus, là. Ah, oh, mon Dieu, man. Lâche ton café McDo, toi, puis tu vas dormir. Bon, allez, encore une fois. On a une première question. Il y a quelqu'un qui a commencé à. Ouais. Est-ce qu'on dit la question ou on attend à vendredi? On va dire la question, les gens vont pouvoir se préparer. OK. Donc, la question, c'est facile, c'est nommez-nous tous les CEO depuis 1978. 76. Depuis 76, donc depuis l'ouverture de Apple. Nommez-nous tous les CEO qu'il y a eu chez Apple. Donc, voilà. On ne dit pas le nombre, fait que... Ouais. Juste envoyer ça à... C'est quoi l'adresse déjà? concours@macquebec.com? Ah, ben ça va être dans le formulaire. Ah oui, c'est vrai, c'est un formulaire. Ça va être directement sur la page. Donc, voilà, vous allez pouvoir remplir ça. Et à la fin du mois, comme on l'a fait au podcast Mac-Québec, on va tirer un nom. Et comme Yves Gauthier, vous allez, si vous avez participé, vous avez une chance de gagner et d'être les heureux propriétaires d'un nouveau gadget. Pour le mois de... Ça, c'est pour le mois de mai. Pour le mois de juin et de... Ouais, pour le mois de juin, on a ça va être un Gorilla Mobile Ori qui va être tiré. Ça, c'est au mois de juin. Donc, voilà. Qu'est-ce que d'autre? Je voulais juste dire, sur le Forum Mac-Québec, il y a un lecteur, en fait, juste pour montrer la différence, c'est très drôle, dans le Forum... Tout le monde qui est là, ou à peu près, ont des noms, tu sais, des avatars, tu sais, des noms, tu sais, Killer 777, ouais. Lobos, le kit. Fait que, tu sais, la technologie des forums, ça date plus des années 90, début 2000, où il n'y avait pas vraiment ce besoin-là d'être nous-mêmes sur Internet. Tu sais, on est anonyme, on peut se cacher derrière des noms, puis tout le kit. Fait que dans le forum et sur Mac-Québec Entraide, au contraire, tout le monde est son propre nom. Fait que je trouvais ça très drôle à faire comme parallèle. Bref, il y a Fano sur le forum de Mac-Québec qui a mis en vente un sac Patagonia qui est très beau, jaune. Il fait vraiment pas cher, mais on voulait vous rappeler que si vous avez quelque chose à vendre, ben, plutôt que de passer par le forum, la nouvelle plateforme pour vendre toutes vos affaires à Apple, c'est sur lesmac.com. Donc, vous allez lesmac.com et vous pouvez mettre vos annonces gratuitement. Et on a déjà pas mal de monde qui ont réussi à vendre des trucs là-dessus. Donc, on vous le recommande chaudement. Il y avait un excellent deal sur un Apple TV à 50 $, un Apple TV deuxième génération. il y a quelques semaines de ça. Mm. Et puis, il y a plein d'autres choses comme ça que vous allez pouvoir... Il y a deux barrettes de 2 gigs. C'est ça, il y a de la mémoire aussi. Il y a de la mémoire sur le site lesmac.com. Alors, je suis en train de décider qu'est-ce que je vais faire avec. Est-ce que je vais les faire tirer ou je vais les laisser là? Fait que... Fait que je vais vérifier ou je vais les garder pour moi si un coup que j'ai une barrette qui lâche dans mon nouveau MacBook. Fait que... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des MacBook Pro du début pas cher? Écoutez, les Macs, ça commence, donc c'est sûr qu'il n'y a pas tant de stock que ça, mais plus vous allez en parler autour de vous, plus nous, on va en parler, et plus il va y avoir de monde qui vont mettre du stock là. Ça commence, donc nous, c'est des partenaires avec nous, on leur donne un coup de main. On est bien contents, on est vraiment enthousiastes à propos du projet, donc c'est sûr que on vous en parle. Puis moi, je vais mettre une couple d'affaires là-dessus bientôt, je pense bien. Bon. Voilà. Première question. Oui, ben en fait, c'est Tiguidou, je pense. Tiens. Non. Oui, c'est ça. C'est okay, Tiguidou. Avant de commencer, je voudrais juste dire comment qu'on fait pour nous poser des questions. Dans la fenêtre Spreecast que vous avez à l'écran, vous avez « Comment or question ». Vous appuyez là-dessus. Vous écrivez votre question et vous envoyez votre question et nous, on l'affiche à l'écran. Fait que c'est très simple. Fait que c'est très facile et très le fun à voir, surtout les questions que les gens nous posent. Voilà. Donc, première question de City Guidou qui a commencé à catcher comment ça fonctionnait puis qui est une application pas chère. Donc, il demande, avez-vous entendu parler du Roku? Et si oui, qu'en pensez-vous par rapport à l'Apple TV? Je ne sais pas si... en fait, c'est plus aux technophiles qu'il faudrait demander ça. Qui, lui, a un Roku? Je pense que c'est un excellent appareil. C'est un appareil qui est capable de lire le 1080p. Maintenant, c'est sûr que l'Apple TV aussi. L'Apple TV, c'est une boîte qui fonctionne. C'est une boîte qu'on branche et qui fonctionne sans avoir besoin de faire à peu près quoi que ce soit. La seule downside, c'est qu'il faut utiliser le contenu iTunes. De Apple, le contenu iTunes ou en fait les applications qui viennent de iOS. Là. Donc, vous pouvez faire AirPlay de YouTube, de tout.tv. Les gens disent « Ah oui, il n'y a pas d'application dans l'Apple TV parce qu'on n'a pas tout.tv. » C'est vrai, mais si tu l'as dans ton iPhone ou dans ton iPad, tout.tv, ben tu l'as sur ton Apple TV parce que tu peux faire AirPlay l'application sur ton Apple TV. Bref. En passant, j'en parlerai pas trop, mais j'ai essayé le mirroring de 10.8 sur mon Apple TV. Ouais. Ça fonctionne très bien. Ah, OK. C'est très le fun. Fait que j'en parle pas plus. J'ai rien entendu. Ouais, je sais. Fait que j'en parle pas plus. Je peux pas en parler plus. Fait que... Mais si pour ceux qui n'auraient pas... on en a parlé, je pense, la semaine passée. Pour ceux qui n'auraient pas 10.8... Il y a une application qui s'appelle Air Parrot qui est 10$ et qui permet de faire un peu la même chose, c'est-à-dire de AirPlay son ordinateur, son écran d'ordinateur sur sa télévision. Et Air Parrot va un petit peu plus loin. Il permet en fait de faire du dual screen, c'est-à-dire que votre écran de télévision devienne le prolongement de votre écran d'ordinateur. Ça, c'est très intéressant. Et la deuxième chose, c'est qu'il diffuse en 1080p ou 10.8 diffuse en 720, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Écoute, pour le Roku, je pense qu'il y a beaucoup de services dans le Roku qui ne fonctionnent pas au Canada. Je pense que c'est un petit peu comme tout. Là, c'est une petite compagnie, Roku, et ils n'ont que ce produit-là. Et j'ai l'impression qu'ils font des alliances aux États-Unis, mais quand ça sort, ils ont peut-être un petit peu plus de difficultés. Ça prend un petit peu plus de temps à le faire. C'est sûr que c'est un produit qui est plus ouvert. Il y a beaucoup de gens qui vont mieux aimer le Roku que le Apple TV parce que, encore une fois, le Apple TV, pour l'utiliser à plein régime ou à plein potentiel, va falloir le jailbreaker. On en parlera un jour. Un jour. Podcast. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais j'ai mal. C'est Air Parrot, Air Perroquet. Donc, je vais l'écrire Air Parrot. Ouais. C'est une application qui est 10$, qui est excellente. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a Dolmadec sur Twitter qui nous demande MacBook Pro, MacBook ou MacBook Air, voilà la question. Ben, je suis allé poser des questions en fait à Daldomex, avec qui, dans mes temps libres, je m'ostine à propos de la grève étudiante, avec lui aussi. Il demande MacBook Air, MacBook ou MacBook Pro. Chez Apple, le MacBook n'existe plus en vente directe. Il y en a peut-être encore dans le refurb, magasin refurb. Mais bon, on est en 2012. Je pense que la question à se poser, la première question à se poser, il y a quelques différences évidemment entre le MacBook Air et le MacBook Pro. La première, c'est: moi, j'ai-tu besoin de ça plus qu'une fois par année, un lecteur CD? Donc, si la réponse est oui, bien là, il va falloir regarder peut-être plus vers la gamme des MacBook Pro, soit le 13 ou le 15 pouces. Mais Vincent, comme moi, on n'a pas besoin de ça plus qu'un trou de balle. Et comme je vais faire moi aussi bientôt, je vais enlever ça. J'ai montré à l'écran mon lecteur que j'ai enlevé. J'ai fait d'ailleurs un tutoriel tantôt, donc qui va se retrouver sur le site, comme j'ai parlé dans l'autre émission, qui allait avoir des vidéos, plus de vidéos, parce qu'il y a beaucoup de tutoriels qui sont disponibles en anglais puis pas en français. Donc tantôt, en l'enlevant, j'ai enlevé mon lecteur, j'ai remplacé par mon SSD. Puis ça va, c'est bien, je suis content. Yes. T'as fait une vidéo de ça? J'ai fait une vidéo, donc niveau matériel, pas logiciel, là, mais j'ai montré comment enlever le disque... le lecteur CD, puis le remplacer par un disque dur, avec le data doubler que j'ai enfin reçu cette semaine, la semaine passée ou cette semaine, là, je pense que c'est cette semaine. Messieurs, il y a quand même un auditeur qui attend notre réponse, donc on va essayer de lui répondre le mieux possible. Daldomex, en fait, m'a dit que, d'abord, il voulait un portable, évidemment. Il y a un vieux portable Linux qui commence à plus être trop fiable. Il se promène avec, évidemment. Donc, oui, il va avoir besoin d'un portable. Et, l'affaire la plus grosse qu'il fait sur son ordinateur, c'est du Photoshop, mais c'est plus de l'ordre du hobby que d'autres choses. Donc, il n'a pas besoin Ouais. Il faut savoir que Photoshop, puis je l'ai essayé personnellement, fonctionne très bien sur MacBook Air. Grâce au SSD, d'ailleurs. Oui, voilà. Ça démarre très rapidement, puis c'est pas de la traitement vidéo, là, donc c'est de la traitement photo. Dépendant de ce que vous voulez faire, là, si c'est vraiment tous les jours, peut-être pas, mais moi, je l'ai essayé, puis ça fonctionne très bien. C'est comme avoir un SSD là, dans une bonne machine. Donc, c'est sûr que le SSD du MacBook Air va vraiment donner un bon coup de pied à l'ordinateur pour avancer rapidement. Le 4 GB de RAM, c'est honnête. C'est pas top, mais c'est honnête. C'est sûr que lui, il est beaucoup sur Twitter, beaucoup sur ses furteurs, tout ça. Ce qu'il va gagner en ayant le MacBook Air, c'est vraiment le poids. Donc, au niveau du poids. Mais moi, je pense qu'un MacBook Air boot plus vite qu'un MacBook Pro avec le SSD. Fait que, à ce sens-là, là, si on a vraiment des petites choses à faire, ouvrir, fermer, c'est vraiment une machine. Écoute, le MacBook Pro n'a jamais poussé les autres à faire un nouveau segment de marché, alors que Intel a développé une plateforme au complet pour que les gens PC puissent imiter le MacBook Air en faisant ce qu'ils appellent l'ultrabook. Donc, en essayant de tuer ce qu'ils appellent le netbook, puis en allant plus vers l'ultrabook, qui est un ordinateur excessivement mince, très léger. Je pense que c'est autour de 3 livres, le MacBook Air, maximum. Ça se met dans une enveloppe. Ouais, c'est ça. Il y avait eu un humoriste québécois qui avait fait une toune là-dessus. Ah, c'était tellement drôle. Il plante tout le temps, mais je peux le mettre dans une enveloppe. Ouais, c'est tellement drôle, cette vidéo-là. Donc, le Photoshop d'Aldomex, va fonctionner sur ton MacBook Air. Je pense que c'est la plateforme vers laquelle tu devrais regarder quelque chose autour de 13 pouces, peut-être le modèle avec le 128 gig dedans. Si tu vas avec, avec le MacBook Pro, pour vraiment avoir une différence, il faudrait que tu aies avec le modèle 15 pouces. Parce que c'est à partir du 15 pouces qu'il y a une carte vidéo dedans qui pourrait te donner dans certaines actions dans Photoshop un espèce de edge supplémentaire puis une rapidité supplémentaire par rapport à un MacBook, MacBook Air. C'est sûr que le processeur du MacBook Air est pas mal en retrait par rapport au même aux 13 pouces du MacBook Pro, mais je pense que c'est une machine qui est tellement bien équilibrée, MacBook Air, que tu vas en avoir assez. Tu vas être vraiment content de la petitesse que pour pouvoir l'amener un peu partout. Oui, mais il faut dire aussi que les versions futures des MacBook Pro, ben pas des MacBook Pro, mais tous les ordinateurs portables chez Apple vont changer. La carte graphique va changer aussi parce que ce qui vient intégrer maintenant, c'est du Intel HD 3000. Mais dans, ouais, en ce moment. En ce moment, c'est du 3000, mais dans les prochaines versions, ça va être du 4000. Fait que ça, on a vu des specs à date. Ça a dit que ça ferait 55% plus vite côté écran, côté carte graphique, que la carte graphique que j'ai présentement dans mon MacBook Pro. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Ça vaut peut-être la peine à ce moment-là d'attendre, effectivement. Oui, c'est ça. Parce que c'est d'ici, en fait, ces nouveaux portables-là, d'ici le WWDC, d'après moi, qui vont les mettre à jour. Et si, effectivement, la carte est plus puissante que dans ton ordinateur, à ce moment-là, c'est un no-brainer, là, j'irai vers le MacBook Air. Oui, exactement. On rappelle aux gens que s'ils veulent poser des questions, en fait, c'est dans la fenêtre vidéo. Tout juste en bas ici, vous avez la mention « commentaires ou questions ». Vous cliquez dessus et vous allez faire poser votre question que nous, on va pouvoir diffuser, en fait, dans le feed vidéo. Donc, M. Ducharme, un fidèle auditeur, croyez-vous que l'iPhone 5 sera fait de liquid metal? Non. Donc, moi, je pense qu'elle va être faite comme ma souris, ma Magic Mouse. Quand on avait vu au WAC à Québec, quand on avait vu les photos, genre non, pas vrai. moi, s'il fait ça, sérieusement, je fais comme Dean, puis je tourne vert, là, parce que... Ah, moi, je vais aller chez BlackBerry, ça n'a pas de bon sens, sinon. Ouais, BlackBerry... J'aimerais mieux BlackBerry, effectivement. Windows Phone. En fait, je m'achèterais un Windows Phone, je pense. Moi, je pense que j'achèterais un Windows Phone, moi aussi. Ouais. Mon cousin en a un, là, puis je l'ai essayé, là, c'est très beau, là. C'est, ouais, mon cousin en a un, là, puis c'est super. C'est drôle, mais c'est vraiment... Très bien. Si j'avais à changer, là, je m'achèterais certainement pas un Android, là, j'irais sur Windows. Fait que... Ouais, effectivement. Mais bon... Oui, exactement. Steve Wozniak a dit aussi que lui aussi irait sur Windows Phone. Fait que, mais bon. En fait, il a dit que le iPhone est encore son smartphone préféré. Il a dit que sur certains points, le Android avait dépassé iOS, mais il a dit que le Windows Phone, c'était vraiment quelque chose de bien, qu'il aimait ça, puis que lui sentait que c'était plus un ami qu'il avait dans les mains qu'un outil. Je ne voudrais pas être un ami avec Steve Wozniak. J'aimerais pas ça me faire taponner par lui, là, mais c'est quand même ce qu'il a dit. C'est ça. Pour revenir à la question... À date, ce que Apple fait avec le Liquid Metal, c'est la petite trombone pour ouvrir le tiroir sur les iPhones. C'est la seule chose qui est faite. Ce qu'on sait, c'est que la licence que Apple a achetée, c'est pour faire des casings d'appareils. Mm. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais quand tu achètes une licence pour utiliser ce métal-là, il faut que tu dises à quoi tu vas l'utiliser. Donc, eux, on dit, nous, on va l'utiliser pour faire des casings. Donc, là, ce qu'on a lu aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des nouvelles qui sont sorties aujourd'hui et qui disent que Apple est à quand même encore un bon nombre d'années avant de sortir des ordinateurs faits en liquid metal. Mmh. Mais si on regarde un iPhone 4S actuel, je ne sais pas si l'anneau de métal qu'il y a autour, la partie métallique qu'on a autour ne pourrait pas être faite en liquid metal. Qu'est-ce que ça apporterait? Est-ce que ça apporterait une meilleure réception? Ça apporterait en fait une meilleure... dans le chat, on nous dit le cock ring. Donc, je pense pas que ça soit comme ça que la pièce s'appelle sur les chaînes de montage chinoises. Hey Vincent, chinoise, tu vois ça, mais pratiquant. J'irai voir chez Priap pour voir si c'est du liquid metal, le cock ring. Fait que... Mais c'est un matériel effectivement qui est plus coûteux. Mais je pense que Apple, si on investit là-dedans, c'est parce qu'ils savaient qu'il allait avoir des économies d'échelle. Puis probablement qu'au nombre de retours que Apple prend. Je me suis complètement fait abandonner par mes co-animateurs. Je fais ça solo. Au nombre de téléphones que... En fait, quand tu passes du temps dans un Apple Store, tu te rends compte que Apple, ça arrive quand même assez souvent qu'ils reprennent des appareils, même si le bris ne rentre pas dans la garantie, tout ça. Et j'ai l'impression que s'ils sont capables de rendre plus solide leur téléphone avec, par exemple, du liquid metal... ils vont en faire des économies d'échelle sur les millions de téléphones qu'ils vendent parce qu'ils vont avoir moins à en reprendre. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'amortissement au niveau du prix d'utilisation. C'est sûr que la partie métallique autour, c'est pas immense, c'est pas tant que ça là, pour dire on va utiliser du liquid metal. C'est pas gros, là, tu sais, c'est vraiment mince le contour du téléphone. Là, fait que... C'est comme ça coûterait. Ben, c'est sûr, oui, ça coûterait cher, premièrement, à fabriquer, là, mais il serait gagnant, je pense, dans ça. Là, fait que... Voilà. Donc, puis sinon, en fait, ben, donc cette année, il y aurait probablement un produit qui sortirait avec du liquid metal, mais on serait quand même à des années d'un ordinateur fait en liquid metal. Donc, on va passer à une autre question. Je suis content, ce soir, on reçoit beaucoup de questions du public. C'est intéressant. Donc, je cherche un logiciel pour le classement des photos vidéo, mais pas iPhoto qui soit simple. Aperture. Est-ce que Aperture est simple? Ouais, qu'il soit simple. Ouais, non, Aperture n'est pas simple. Je l'avais pas vu le mot simple, mais non, pas Aperture. Sinon, il y aurait... qu'est-ce qu'il y a? Il y aurait Picasa de Google. Il n'y aurait pas un logiciel qui s'appelle iMedia Pro ou i... Oui. Attends, Media Pro. Je sais pas si c'est ça ou iMedia. Faudrait vérifier. Non, quand je le cherche. Ça me donne une affaire d'échec ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pas ça, c'est quoi donc? Mais il y a Picasa, il y a. En fait, souvent, en fait, les gens veulent s'en aller de iPhoto parce qu'ils le comprennent pas bien. C'est un logiciel, en fait, qui est très, très puissant. Faut juste prendre le temps de le prendre en main. Donner des notes, des étoiles à ses photos, essayer... Ah oui, il y a ACDC qui existe maintenant pour Mac, si je ne me trompe pas. Je sais, il me semble que c'est sorti. Faudrait voir, mais c'est ça, les gens ne savent pas utiliser iPhoto, sont habitués. Souvent, ils arrivent du monde PC. Et ce qu'ils faisaient dans le PC, c'est qu'ils vidaient leurs cartes, ils mettaient ça dans des dossiers qu'ils nommaient un peu n'importe comment. Puis là, ben, ils allaient une fois de temps en temps, puis là, ils disaient « Ah, c'est dans ce dossier-là ». Ils se retrouvaient avec un paquet de doublons de leurs photos. Et là, quand ils arrivent sur Mac, ils prennent ce dossier-là, ils glissent sur iPhoto, puis ils capotent parce qu'ils se retrouvent avec plein de doublons, justement, de leurs photos. Moi, j'aime bien iPhoto, quoique je ne l'utilise pas à son plein potentiel, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avec ce logiciel-là avant de dire « Tiens, je vais l'abandonner ». Il faudrait aussi savoir pourquoi Michael voudrait le laisser tomber. Qu'est-ce qu'il n'aime pas dans le logiciel pour que si on voit une solution se pointer. Parce qu'il commence à en avoir. Là. Il commence à avoir de plus en plus de petits développeurs qui décident d'essayer de piquer Apple, parce que ça fait quand même... iPhoto a été mis à jour, iMovie aussi, GarageBand, mais Apple, en fait, ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils n'ont pas mis à jour comme faut les logiciels de la suite iLife. Fait que ça vaut... iWork aussi. Ça vaut la peine pour des... La suite iLife a été sortie en même temps que macOS X 10.7. Il avait fait un refresh sur ça. Mais iWork, c'est vraiment celui qui date là, vraiment. C'est iLife qui est sorti avec 10.7. OK. Puis en même temps, ils ont agrandi aussi pour qu'ils puissent. L'espèce d'interface qui ressemble un peu au iPad, avec les table view, là, l'espèce de barre noire avec les, ce qu'on sélectionne en bas. Oui. C'est vraiment iWork qu'on attend. Puis. iPhoto, c'est parfait pour la synchronisation entre un appareil, puis importer des photos, les classer pour des dates, classer pour des faces. Il y a une reconnaissance faciale qui est intéressante des fois. Puis, puis même des lieux. C'est ce que j'aime beaucoup, moi, d'iPhoto. Tu fais un voyage, entre la Virginie puis Québec, puis ça a super bien été. Même on avait nos points un peu partout, donc on pouvait vraiment... voir faire des catégories, c'est ça. La mauvaise habitude que les gens ont quand ils importent des photos, c'est de le faire à la va-vite parce qu'ils ont besoin de le mettre dans l'iPhone. Et là, ils prennent une carte, il y a je ne sais pas combien de photos, et ils ne prennent pas le temps de travailler ces photos-là. Une fois qu'on les met dans l'ordinateur, un peu comme à l'époque, quand on les développait, ces photos, les photos, il y a du monde qui les prenait, qui les sacrait dans boîte à souliers, mais il y en a d'autres qui prenaient les photos, puis en arrière, ils contextualisaient la photo. Ils marquaient « C'est mon oncle Serge, puis ma tante Armande. On est au chalet, on est en 1982, puis c'est ça. » Donc, c'est la même chose qu'il faut faire avec iPhoto. Donc, c'est sûr que les métadatas d'une photo vous donnent l'information de, où, si vous l'avez pris avec un appareil qui a le GPS dedans, quand, donc le temps. Mais la qualité de la photo, il y a juste vous qui pouvez en être juge. La face qui est sur la photo, vous pouvez l'identifier. Puis pour ceux qui ne le savent pas, si vous identifiez les photos dans iPhoto et qu'après ça, vous la partagez sur Facebook, bien, l'identification que vous avez faite suit la photo. Donc, si c'est des photos de vous que vous envoyez sur Facebook, bien, votre nom est déjà sur la photo. Ouais, donc, c'est assez bien intégré. Oui, voilà. Donc, une deuxième question de Michael Artaud, qui semble avoir été satisfait de la réponse, même si on a fait un 2 minutes de plus là-dessus. Est-ce qu'iCloud peut être une option de sauvegarde de mes photos? Oui et non. C'est-à-dire que à l'époque de MobileMe, c'était une bonne solution pour sauvegarder les photos. En ce moment, ce qu'ils appellent le photo stream, qui est un espèce de remplacement de gallery qu'on avait dans MobileMe, ne va contenir que les 1000 dernières photos. Et ce, pour une période de 30 jours, si je me trompe pas. Donc, c'est un espace temporaire pour sauvegarder les photos. Moi, je pense que je suggérerais pour la sauvegarde de photos, peut-être plus Dropbox ou, comme Matt Le Geek le dit dans le chat, lui, il utilise Box.net. Mm-hmm. Je pense que c'est ça, il donnait 50 gigs quand même il y a un certain temps. Excellent. Tu l'as à vie, en fait. Là, si tu t'inscris avec un iPhone, puis je ne suis pas sûr que la promotion est finie, là, mais si vous vous inscrivez à Box.net avec un iPhone, vous allez avoir le 50 gigs. Puis il y a Bitkassa qui est sorti cette semaine, qui est en bêta pour l'instant, mais eux autres, c'est infini le nombre d'espaces que vous avez. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire leur sous, comment ils fonctionnent, mais bref, ça reste à voir. Donc, un de mes préférés, moi, quand même, je trouve que c'est une solution qui est quand même très bien. C'est un vieux système, là, on pourrait dire un vieux service web 2.0, mais des premières heures. C'est Flickr qui est quand même très intéressant. Oui. Ouais. puis qui est une quarantaine de dollars par année, qui permet de montrer les photos, qui permet de mettre des licences sur les photos. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que la problématique avec des photos, c'est que c'est lourd. Donc, il faut avoir pas mal d'espace. Fait que Dropbox demanderait de payer. Bitkassa serait intéressant. iCloud va avoir un maximum de 1000 photos. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, je pense que Flickr, vu que c'est illimité de photos, pourrait être une option intéressante. Puis Flickr, en fait, ben, quand le truc se termine, vous avez accès seulement à vos 200-300 dernières photos, mais tes photos ne sont pas perdues. C'est-à-dire que si tu payes un 2-3 mois plus tard, donc tu t'inscris pour un an, au bout d'un an, ça t'arrête ton service et tu te réinscris 2-3 mois plus tard, tu vas remettre la main sur tes photos. Donc, c'est pas perdu. Fait que moi, c'est ce que je suggérerais. Ce serait probablement d'aller avec Flickr. J'ai jamais essayé, mais il y a Photo Bucket, dont j'entends aussi pas mal de bien qui peut être intéressant. Ce sont des services en ligne où on peut uploader les photos. On va mettre une autre question. J'espère que ça répond à ta question. Avez-vous entendu parler si Logic Pro X va bientôt sortir? Bon, ça, c'est une bonne question. T'as-tu vu ça passer, Jean-François? Non, je sais qu'ils l'ont mis à jour il y a à peu près une ou deux semaines. Une mise à jour? Une mise à jour de la version 9, là. Mais je pense pas que j'ai vu passer ça, Logic Pro X. D'après moi, ils vont attendre parce que avec ce qu'ils ont fait avec l'autre là. Final Cut. Merci. D'après moi, ils ont appris de leur erreur. Puis d'après moi, ils vont tout. S'ils sortent une version X, là, ils vont le refaire au complet, mais top notch. Mais Apple a racheté il y a quelques années, peut-être un petit peu moins de 10 ans, là, ces logiciels-là, le Final Cut, je pense que c'était en 2002 ou quelque chose comme ça, Logic autour du même temps. Puis, en fait, ça, c'est un peu triste à dire, mais j'ai l'impression que Apple s'en va de plus en plus vers le grand public et a de plus en plus de difficultés à servir sa clientèle professionnelle, mm-hmm. sa clientèle prosumer. C'est sûr que des logiciels comme Aperture pour la photographie, ça fonctionne très bien. Ils le mettent à jour assez souvent, tout ça. Mais c'est Final Cut, ils se sont un petit peu plantés là, avec ça. En fait, c'est-à-dire que c'est un excellent logiciel. Par contre, les gens qui font du montage, ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on bouscule leurs habitudes. Et c'est ce que Apple a fait avec Final Cut. Ils ont peut-être un peu trop bousculé leurs habitudes. Mais moi, j'ai des amis qui veulent toujours être à la fin de pointe de la technologie et qui ont commencé à travailler sur Final Cut Pro 10 et qu'il l'aime beaucoup. C'est sûr que parce qu'il manque beaucoup de changer, mais c'est ça, il manque beaucoup de fonctionnalités à comparer de la version 7 dedans. Là, c'est comme quand iMovie, la nouvelle version est sortie et aussi, on a perdu beaucoup de fonctionnalités. Ah oui. Donc c'est normal. Apple fait un peu pour le futur. Donc, ils ne voient pas ça pour... Tu sais, ils ne se sont pas dit, on va tout scraper pour la prochaine année, puis au pire, on reviendra. Ils se sont dit, on va partir de cette plateforme-là, on va donner une base pour que les gens puissent faire le truc, et on rajoutera, là. Donc, puis il y a eu un communiqué de presse il n'y a pas trop longtemps, comme quoi il allait ramener en fait un certain nombre de choses comme du multicam, des trucs comme ça. Oui, d'ici la fin de 2012, là, ils vont tout réintégrer dans Final Cut. Là. Fait que, mais bon. Voilà. Mais rien sur les radars pour Logic Pro. Non. Charles, désolé. On passe à une autre question de Aquarius 27. Je pense que c'est la première fois qu'il pose une question. Pourquoi Scott a-t-il caché ses actions? Donc, c'est Scott Forstall de Apple qui est responsable du iOS, si je ne me trompe pas. C'est une bonne question. Je pense qu'il a fait je pense pas que ce soit... la personne nous dit 95% des actions de Scott. Ça m'étonnerait. C'est quand même un haut placé chez Apple. Puis ce que j'ai vu, c'est qu'il a fait 38 millions avec les actions. Donc, bon, grosso modo, là, je ne sais pas s'il les a tous vendus. Je ne pourrais pas dire pourquoi il les a vendus. Là. C'est des news qui sont sorties cette semaine, à savoir pourquoi il les a vendus. C'est lui que ça regarde. Peut-être qu'il voulait se faire construire une grosse cabane ou je sais pas. Peut-être aussi. Mais bon, parce que là, en plus que là, l'action d'Apple, elle a baissé en bas de 600$ depuis une couple de jours. Là. C'est comme elle est plus aussi haute qu'on la voyait. Là. Fait que, je sais pas. Là, je sais pas. On a pas... Peut-être que c'est à cause de ça. Peut-être qu'il a regardé les marchés aller puis qu'il se dit, ben, moi pour l'instant, j'ai l'impression que l'action. C'est le top qu'elle va faire pour l'instant. Quoique, ils ont sorti leurs chiffres la semaine passée, puis c'était à peu près c'était ridicule. Les gens les avaient mis à la baisse un petit peu pour les. Les avaient mis à la baisse, puis finalement, ils ont fait plus que ce qu'ils avaient imaginé en premier. Là. Donc, en fait, Apple va toujours bien au niveau des ventes. Mais c'est sûr qu'il y a eu, peut-être certaines polémiques les derniers mois qui fait peur aux actionnaires. Mais moi, je pense que l'action va continuer à monter. Non, c'est sûr, moi aussi. On va voir au WWDC, ça va être quoi la réponse? Où on va être en direct. Non de San Francisco, mais... Souvent, ça baisse. On va être dans le sud. Je pense qu'on va y aller chez Monsieur Ducharme. Il va regretter de nous avoir invités comme ça en riant. On va aller crasher sa maison. Toi. Ouais, c'est ça. Voilà. On a une autre question. Est-ce qu'il y a un équivalent à un logiciel d'édition audio comme Cool Edit, mais pour Mac, gratuit si possible? Ben, GarageBand. GarageBand, oui. GarageBand. C'en est un. Sinon, en fait, pour faire de l'édition audio, il y a Audacity, qui est un logiciel open source que beaucoup de gens utilisent pour faire du podcast, entre autres. Mais ce qui se rapprocherait le plus de Cool Edit sur Macintosh, ce serait GarageBand en tant que tel. Et l'avantage de GarageBand sur Cool Edit, c'est que tu as un paquet de sons, tu as un paquet de musique déjà avec GarageBand, alors que sur Cool Edit, tu es obligé de les trouver, de les acheter, de les rajouter à côté. Oui, parce qu'en plus, cette semaine, j'ai réinstallé mon système, puis en réinstallant GarageBand, ça download comme genre 1.6 de son à l'interne de GarageBand. Là, fait que, mais Audacity aussi, il est très bon. Fait que, c'est facile aussi à utiliser. Fait que, c'est bien. Vu qu'on n'a plus de questions actuellement, dans notre document, on a Frédéric Lucier sur Mac Québec Entraide qui nous demande, est-ce qu'il existe un moyen pour supprimer la protection DRM d'un livre en format EPUB afin de permettre de le lire sur toute sa collection de livres e-book sur l'application iBook sur l'iPad? On va donner dans le chat et dans les notes du podcast un tutoriel qu'on a trouvé assez facilement sur Internet. Oui, c'est possible. Par exemple, il y a un truc, c'est qu'il ne faut jamais avoir ouvert le document. Parce qu'une fois que le document est ouvert la première fois, les EPUB qui sont sous DRM s'ouvrent avec un logiciel de Adobe. Uh-huh. Et puis, il y a une espèce de connexion qui se fait entre le serveur de Adobe et votre ordinateur. Et à partir du moment où ça s'est fait, il n'y a pas moyen, en tout cas à ma connaissance, là, il y en a peut-être un, mais je ne l'ai pas trouvé, il n'y a pas moyen de briser le DRM. Maintenant, pourquoi on vous donne la solution pour le faire? Ben, d'abord, briser un DRM pour son utilisation personnelle, c'est quelque chose qui est légal encore au Canada. Ça ne l'est peut-être plus pour très longtemps, mais c'est encore légal. Dans un deuxième temps, on parle de livre, OK? C'est pas un film qui est fait pour l'entertainment, une pièce de musique de 3 minutes. C'est un livre qui est fait pour l'apprentissage, le partage des connaissances, la distribution des connaissances. Et il n'y a rien de plus facile à utiliser dans le monde qu'un livre. Et là, on est en train de les... sera pas long, là, format électronique. Lag, et on est en train de complexifier, de distiller en fait les marchés. Oui, de distiller les marchés au niveau des livres. Tu as acheté des livres avec Amazon, mais tu peux juste les lire avec Amazon, avec Kindle, tout ça. Donc, moi, je suis vraiment pas content de ce qui se passe au niveau des livres, puis de ce qui se passe au niveau des maisons. Oui. Je te coupe parce que moi, j'ai beaucoup de distorsions. Je sais pas si j'ai... Moi aussi. Aussi. Moi aussi. Écoute, c'est l'enfer. Il y a beaucoup de grichage, puis nous, ça a coupé. C'est peut-être différent pour la chat, là, mais pour l'enregistrement, c'est Skype là, qui... C'est Skype qui rush actuellement? Ouais, d'après moi, ouais. Parce que eux dans le chat, c'est pas les mêmes micros, c'est pas même Skype, là, mais oui, le fait de pousser deux sons de chaque côté, ça a de la misère chez vous. Je sais pas si c'est du téléchargement de fait en ce moment, je sais pas trop. Ah, peut-être que ma blonde s'est téléchargée deux, trois trucs. Faudrait... C'est correct en ce moment. Ouais, là, c'est correct. Parfait. Donc, c'est ça. Dans les notes du podcast, on va mettre le lien vers ce site-là qui permet de télécharger les logiciels nécessaires à la brisure du DRM. Puis, je veux dire, si vous allez chercher ce qu'il faut pour briser un DRM, on s'entend que vous n'avez pas téléchargé un livre avec un DRM dedans illégalement. Vous l'avez payé s'il y a un DRM. C'est sûr. Si vous l'avez payé puis que vous voulez puis c'est super légitime de vouloir le lire dans l'application iBook, qui est une application qui est bien faite, qui a ses avantages, partage des livres via iCloud, le kit avec les signets puis tout ça, ben je pense en fait que c'est normal de vouloir passer au travers le DRM, qui est vraiment une cochonnerie. Je veux dire, quand le monde m'appelle là, pour me parler de DRM puis des trucs comme ça, là, j'ai l'impression d'être un exterminateur de vermine, tu sais, puis qui explique à la personne « Oui, mais c'est pas parce que vous êtes malpropre ou quoi que ce soit, c'est fait de même, puis tout ça. » C'est dégueulasse ce qu'ils font. Puis, tu sais, moi, je sais où le trouver, le livre, si je veux ne pas le payer, tu sais. Puis, à Apple, à certains égards, a fait avancer cette cause-là, c'est-à-dire qu'en me facilitant l'accès à du contenu facilement, ben ça ne me dérange pas maintenant d'en payer. Je ne le paye pas nécessairement tout, mais j'en paye pas mal plus que j'en payais il y a 10 ans quand Napster était là, par exemple. Fait que je pense que, tu sais, on est-tu donné à cœur joie sur Napster? C'était cinglé. C'était malade oublie ça. Ma blonde à l'époque, c'était un hobby si elle allait télécharger des tonnes. Ah, c'était comme oublie ça, là, j'ai fait ma bibliothèque de musique, tu sais, avec ça là, fait que c'est clair. C'est sûr que c'est en AAC 128, mais là tu les as toutes nettoyées avec iCloud, avec iTunes in the Cloud, puis tu es super correct. Ben ouais, exactement. Voilà. Voilà. Voilà. En fait, pour ceux qui nous écoutent en audio, ce serait l'adresse, c'est corbin.info. Il va être ajouté. OK, si ben, vous regardez l'écran de votre appareil, puis vous allez avoir l'adresse qui est là. Exactement. On n'a pas de nouvelles questions? Non. OK. Guillaume Paquin sur Mac Québec Entraide qui nous demande comment synchroniser nos mails de Hotmail pour que quand on en supprime un du iPad, il se supprime sur le Mac et vice-versa. Donc, ben en fait, Guillaume, si tu n'étais pas avec Hotmail, mais avec Gmail, ce serait quelque chose de super simple à faire parce que Gmail te propose de faire des... de programmer tes courriels en IMAP ou même en Exchange, c'est comme tu veux. Pour ce qui est des courriels Hotmail, tu peux maintenant, et je pense que c'est depuis pas très longtemps, tu peux sur la plateforme mobile, sur les iPhones, les programmer en Exchange. Mm. Donc, pour ce faire, tu vas dans ajouter un compte email là, dans les préférences système, pas général, mais mail. Contact et calendrier, ajouter un compte mail et là, tu choisis Exchange. Dans cette fenêtre-là, tu vas rajouter ton adresse email dans le champ qui le demande, ton mot de passe et tu vas faire suivant. Okay? Tu ne remplis pas les autres champs. Ne trouvant pas le serveur auquel est associée cette adresse-là, il va te rajouter un champ qui s'appelle le host name ou le server name. Et dans ça, tu vas rajouter m.hotmail.com. Donc, ça, c'est le nom du serveur. Il va être capable de se connecter. À ce moment-là, il va te proposer de synchroniser tes calendriers, tes contacts et tes emails. Ça, c'est pour ton iPhone. Pour ton ordinateur, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de clients qui permettent la gestion. Même Outlook, je pense, ne permet pas bien la gestion Exchange des serveurs. En fait, Hotmail ne se programme pas en Exchange dans ça. Par contre, ce que j'ai lu sur Internet, c'est qu'une application qui s'appelle Mbox for Mac le permettrait. Donc, c'est une petite application qui est une vingtaine de dollars. Tu l'as? Oui, je l'ai. Je l'utilisais avant, mais plus maintenant. Là. OK. Puis, à ce moment-là, si je comprends bien, cette application-là ferait une espèce de synchronisation avec les serveurs de Hotmail et te permettrait que quand tu effaces un email, ben tu ne le reçoives pas sur un autre appareil. Voilà. Donc, ce serait des avenues à vérifier. Sinon, l'autre solution, ce serait de t'ouvrir un compte Gmail et de forwarder. En fait, pas de forwarder, mais dans Gmail, tu es capable de programmer des comptes POP3, donc n'importe quel compte, pour que Gmail, aux 30 minutes à peu près, aille chercher tes emails dans ce compte-là. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus lent que l'envoi direct, mais par contre, tu es capable de le gérer en IMAP. Et l'autre chose que tu peux faire, c'est que tu peux programmer une règle qu'à chaque fois que quelqu'un t'écrit sur ton adresse Hotmail, ça y renvoie automatiquement le fait que tu as changé d'adresse. Puis là, marque pas ton adresse carrée là, avec le A commercial au milieu, mais une petite boîte, puis marque « at » à l'intérieur. Comme ça, si c'est un bot de spam qui reçoit ton email, il va avoir plus de difficultés à décortiquer ton adresse puis à te rajouter à son pool de spammer, là. Son pool de spam. Donc, voilà. On a une autre question de City Guido que je vais faire mettre à l'écran. City Guido. City Guido. Ah, City Guido, excusez. En tout cas, excusez-moi. Fait que, avez-vous essayé Spotify pour iPad et qu'en pensez-vous? Puis, bon film pour demain, les chansons. Merci. Si je ne me trompe pas, Spotify n'est pas encore disponible au Canada. Ils ont sorti la version iPad, mais pas ici. Ça ne fonctionne pas ici, Spotify. Il faut passer par des proxys comme Jean-Michel Boily nous a fait parvenir un moment donné, un beau petit email, comment fonctionnait tout ça. Ouais. Et que j'ai lu, mais qu'il faut que je check. Fait que non, pour l'instant, Spotify n'est pas actif ici. Fait que c'est un peu plate, là. C'est comme on est tout le temps à part des autres côtés streaming ben c'est, audio. Ces nouveaux services de streaming audio-là, il y en a un bon au Canada qui a une très belle application sur iPad qui s'appelle Radio, donc R-D-I-O. Mais je pense que ça fonctionne avec un abonnement. Donc, faut voir. Puis souvent, en fait, c'est... Moi, je prends Radio TuneIn. TuneIn, mais ça, c'est pour la radio. Ouais, mais il y en a tellement. Il y a tellement de postes là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. T'as des postes de n'importe quel pays là-dedans. Là, c'est sûr. Si tu cherches, là, tu peux écouter 24 heures sur 24 la même tune de Lady Gaga, mais ouais, sur des postes de radio. Tu vas synchroniser. Donc, c'est ça, Spotify. On va essayer de faire une petite recherche pour savoir comment puis quel routeur, parce qu'il y a des routeurs dans lesquels on pourrait probablement programmer la solution VPN pour avoir l'air d'être aux États-Unis. Et que là, à ce moment-là, tout ce qui serait à l'intérieur du réseau local de ce routeur-là te permettrait, tous les ordinateurs connectés, ben tu pourrais aller à ce moment-là sur ces services-là comme Spotify, comme Pandora, comme Hulu. Donc, on va essayer de trouver une solution à ça ou un expert qui viendrait nous parler de ça. Mais sinon, pour Spotify, on ne l'a pas essayé. On va demander à Jean-Michel. Ce serait une bonne idée. Mm. unblock.us.com remplace le VPN en simplement changeant le DNS. Ouais, il y a Hotspot Shield aussi, mais sur Mac, c'était assez instable habituellement, Hotspot Shield. En tout cas, pour ma part, quand je l'ai essayé. Il y a Sonia Turcotte qui nous dit qu'elle utilise hidemynet.com, que je ne connais pas. Mais... Voilà. Il y a plusieurs solutions. Il y a des millions de listes de proxy disponibles. Vous cherchez liste proxy sur Google, vous allez trouver des millions de listes. Ah ouais, il y en a plein. Prenez pas les premiers, mais prenez le millième, là, puis rajoutez ça dans Safari ou dans Chrome. Ça va très bien faire l'affaire. Des fois, par exemple, il y a quand même des services, je pense à Hulu, entre autres, qui sont capables de en fait, qui ont mis un niveau de sécurité un petit peu plus élevé que simplement changer pour des IP américains, là. Donc, en tout cas, ça peut fonctionner dans la plupart des cas, là. Ben, il y a Tor aussi. Aussi. Oui. C'est du charme. Monsieur Ducharme utilise un service qui s'appelle Hide My Ass Pro. Je trouve ça très, très drôle. J'ai envie de l'utiliser, même si je ne sais pas tout ce que ça fait. C'est une bonne idée. Messieurs, ça fait quand même un petit amateur de Mac. Ben, oui, c'est ça. Ça fait 55 minutes. Habituellement, on fait toujours 1h12, mais ça va me permettre, en fait, de vous quitter rapidement, d'arrêter de hurler alors que mes deux enfants dorment et de retourner à ma game de Torchlight. J'ai acheté ce jeu-là il y a peut-être 2 ans sur Steam, puis j'avais comme pas joué. Puis je dis, ah ouais, Diablo s'en vient, là, je vais essayer, je vais regarder. Puis sérieux, je suis complètement accro, j'ai à peu près 16 heures de fête cette semaine. Là. Sur Torchlight. Oh, il y a Torchlight 2 qui s'en vient, mais pour l'instant, ça va être juste PC. Mais si c'est un jeu qui vous intéresse sur Steam, si vous achetez en fait Torchlight 2 à 20$, ce qui est quand même un prix très raisonnable pour un jeu, vous avez Torchlight 1 gratuitement. Puis sérieux, moi je suis en train de jouer avec, puis je me fais un fun incroyable. Là. Je fais un magicien. Puis sérieux, je suis en train de tout torché là, avec les spells, ça explose de partout. Il est vraiment très beau et c'est vraiment un copier-coller de Diablo. Là. La musique en arrière, les strings de guitare, pareil comme Diablo. Tu te retrouves dans une mine. J'ai pas encore rencontré de vaches, mais je suis sûr que je vais en rencontrer à un moment donné. Je suis sûr qu'il y a un tableau avec des vaches bientôt. Fait que Torchlight, c'est ma découverte de la semaine. Pour répondre à Aquarius 27, non, Alexis, il n'est pas le seul avec un micro. On a tout un micro. Il est juste que nous autres, nos micros sont cachés. Lui, il y a un stand qui fait tenir son micro. Fait que, C'est pour ça que c'est moi qui ai le meilleur son dans le podcast. Parce que leurs micros à eux autres, c'est des micros omnidirectionnels. Puis plus ils les tiennent loin plus ça absorbe, oui. Pas du tout, non, il y a des options des fois sur certains micros. Moi, je sais pas si on regarde, là, mais il y a 3 choix ici. Puis en ce moment, je suis sur unidirectionnel, mais il y en a qui sont omnidirectionnels, donc le 360, ce qui est pratique pour une table, contrairement à ton micro qui ferait pas. Voilà. C'est pour ça que j'en ai 2. Hey, va falloir parler à Benoît Mercier, là. Ça marche pas, là, son affaire. Là. De quoi ça? Il dit, je vous annonce que je vais lancer une série de même du podcast de Mac Québec, là. Fait que va falloir jaser avec lui. Mais non, il fait pas d'argent avec ça, on va le laisser faire. Ouais, c'est vrai. Il prend des screenshots. Le premier qu'il a fait, c'est parce que je porte souvent des chemises carottées. Puis quand il s'est connecté la semaine passée, il a vu mon rideau. Hey Alexis, t'es vraiment hot de matcher tes rideaux avec ta chemise. Puis il m'a fait une photo avec Alexis Cornelier est tellement dédié à son podcast qu'il matche sa chemise avec son rideau. Fait que c'était très drôle. Il m'a mis ça sur mon Facebook. Je suis allé voir aujourd'hui. J'irai voir. Fait qu'il va en faire une coupe comme ça. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va nous sortir parce qu'on ne bouge pas tellement. Là. C'est à peu près la seule niaiserie qu'on peut dire. Un café, peut-être. Je sais pas. Il n'a pas pu prendre de screenshot. Tu n'étais pas là assez longtemps. Bref, c'est ce qui met fin pour cette semaine à l'épisode des amateurs de Mac Bonsoir. Show inspiré des amateurs de sport Bonsoir, qui ont toujours... Je les écoute Puis, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de remplissage dans ces shows-là, mais dans le nôtre aussi. Oui. Bref. Donc, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets ou ailleurs? On peut me retrouver à JFroy1979 sur Twitter. Je suis très présent sur Twitter. Fait que... Oui, j'ai vu ça, hein? Oui, j'ai ça. On est de toutes les causes. On est de toutes les... Oui, exactement. Dès qu'il y a Apple, on est là, on répond. C'est comme si on était là 24 heures sur 24, là, dès qu'il y a quelqu'un qui a un trou dès, à Apple. Dès que ça sonne, on, ouais, on part tout de suite. Si je gagne le million, là, on va s'acheter une espèce de caserne mm-hmm. avec un vieux corbillard qu'on va peinturer blanc. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre des espèces de sonneries rouges pluguées à Twitter. Puis dès qu'il va avoir un mot-clé qui va sonner, ça va faire... Puis là, on va y aller. On va régler le problème. Ah oui, comme Ghostbuster. Toi, ben, Ghostbuster. Ben oui. Ouais. Voilà. Donc, Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Twitter à DEVVMiller, également sur mon site web vmiller.ca si vous voulez développer une application iPhone, iPad. Je me suis pas mis au Mac, mais peut-être un jour. Voilà, pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier. Vous pouvez aussi me retrouver, comme certaines personnes l'ont fait, dans la section service de Mac Québec. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vienne à la maison pour regarder votre réseau, regarder votre parc informatique, vous donner des conseils là-dessus, peut-être déployer quelques solutions, ben, en fait, c'est possible de le faire maintenant avec Mac Québec et c'est moi qui se déplace. Éventuellement, il va avoir un site alexiscornelier.com. D'ailleurs, je vais travailler sur le texte avec une de mes amies cette semaine. C'est parti sur une île déserte avec nos chroniques sur l'Apple TV. Vous ne me retrouverez pas contrairement à ce que j'ai dit pendant le podcast, Mac Québec, vous ne me retrouverez pas à la manifestation tout nu ou de semi-tout nu. Oui, parce que tu n'as pas le droit de manifester tout nu en ville. Fait que c'est une loi, là. C'est vrai? Oui, tu n'as pas le droit. C'est écrit dans le code de la ville. Tu n'as pas le droit de manifester nu. Fait qu'alors, ils vont manifester en caleçon. Ben, c'est correct parce que mais le sérieux, être tout nu puis manger des coups de matraque sa gueule, c'est vraiment la dernière chose que je voudrais faire dans ma vie. Je veux dire, je veux bien en défendre des causes là, puis tout, là, mais ça, je le ferai pas. Mm. Oui, alexiscornelier.com est effectivement en ligne, mais allez pas sur ce site-là, yeux vont... Non, ça, faudrait pas. Faudrait que je fasse quelque chose pour l'enlever de là. Oui, mais j'en avais un site, je me suis fait hacker là, pour la petite histoire, puis j'avais pas de backup, fait que j'ai essayé d'en remettre un, puis j'ai abandonné en plein milieu. Voilà. Fait que DJ Miller, tu vas nous finir ça avec une belle petite toune. Oui, exactement. On va finir le show avec une belle chanson. On en a parlé au début du show, mais la chanson de l'humoriste là, sur le MacBook Air, je l'ai trouvée, fait que je l'ai préparée. Fait qu'on va finir sur ça. Fait que... Faudrait dire son nom au moins à cet humoriste. À Pogne, il l'a fait sur une toune des annonces de iPod, puis tout, puis ça fit super. Moi, j'étais pas content au début de sa toune parce que. Non! C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai ce qu'il dit dans la chanson. C'est pas Julien vrai. Julien Tremblay. Tout le temps. Julien Tremblay. Puis c'est un super bon humoriste de la relève. Mais en fait, je dis de la relève, mais ça fait un sacré bout de temps qu'il roule sa bosse. Là. Ouais. Voilà. Ouais. Fait que mets-nous donc ça. Oui. Que on part ça dans 3, 2... On va tellement se faire poursuivre. Message d'intérêt public. J'ai acheté un MacBook, pis il plante tout le temps, mais au moins il est mince, pis il fait une enveloppe. J'ai pas de iPhone, mais j'ai une plug pour un iPhone, 2500$, mais il est mince, il fait une enveloppe. Tu glisses tes doigts sur le pad, pis comme tu perds tous tes devoirs, 2 ans de travail, mais il est mince, pis il fait une enveloppe. Parler avec d'autres MacBook, mais je suis le seul avec un MacBook. Y'a pas de CD non plus, so what's up with that? Fuck! J'ai une plaque pour un projecteur. Fait que me suis acheté un projecteur. 12 000 dans le trou, mais il est mince. Pis fil d'une enveloppe. Là, j'ai plus une scène. Il faut que je reste chez ma mère à cause des fucking MacBooks qui fait d'une enveloppe. La la la la la la la la la la la la la la la. Et je pense voilà. Qu'il a fait ça avec un PC. Je pense que oui. C'est, ouais. c'est vieux quand même, hein, comme, ah ouais. comme truc. C'est, quand, la, ouais, c'est ouais. quand le MacBook Air est sorti. Hein. Voilà. Oui, le premier. Ouais. Avec la petite charnière. Fatigant. Ouais. Voilà. Ben, on vous souhaite bonne semaine, messieurs. Et moi, je retourne de ce pas à ma game de Torchlight. Puis on n'oublie pas, en fait, d'ici vendredi, il va y avoir le nouveau site de Mac Québec qui va être mis en ligne. Et le nouveau concours pour le Kensington Folio, qui est le concours en fait du mois de mai sur Mac Québec, où vous allez avoir à trouver à nous donner tous les noms des CEO de Apple depuis leur début en 76. Et on voudrait dire aussi, vous pouvez aller voter aussi pour Kémoclair sur le kemoclair.ca/vote. C'est pour l'entrepreneurship au Québec. Alors, allez voter en grand nombre, s'il vous plaît. Oui, oui, effectivement. Parce et j'attends Kim à l'œil du dragon. J'ai très hâte de voir Kim si elle va aller voir Madame Danian and Kel. Fait que. Elle veut y aller? Non, mais tu sais, j'en ai parlé l'autre jour avec. Pourquoi tu y vas pas à l'œil du dragon? Tu sais, ah, je suis pas prête, mais moi, je la verrais là. Je la verrais là. Fait que. Faut voir. Ouais. Excellent. Fait que bonne fin de soirée, tout le monde. Bonne semaine. Bye. Bon.